Et moi je revois ce qui reste, mais maintenant on va le temps. danser les masques lourdes avec tous leurs plus beaux atouts sur cette terre qui vivra toujours. Bezos, Bezos, Bezos, mais je t'aime du mois de février. Bezos, Bezos, Bezos, sur la bouche faut qu'on ait se donner. Tu en vois la papotée et tout ça pour chauder tout le long de la nuit avec un verre à produit. Écoutez le salut que l'on fait. Des os, des os, des os, en regardant la bande défilée. Faut garder du plaisir pour après. J'entends plein les oreilles de cette air. Il va, il va. Et puis bravo aux chanteurs. Merci. Merci à vous.